Quartier se sent niveau des cons de cette nouvelle religion qui prend pour vous les décisions. Le culte de la publicité n'a né aucune hérésie que cette image soit sanctifiée au nom du contrôle des pensées. De soumission aux grands frais de la diffusion, fidèle hypnotisé par l'écran, invoquant ses reflets brillants. Un mutiné face au récepteur, regardant dans le